Donc c'est pas un Français, mais il vous fascine pas ce au Kenya, par exemple. Vous n'avez pas eu des cyclistes étrangers qui vous ont non, non, non. Mais après, j'aime la course, hein, j'aime le. Oui, oui, j'étais un peu jeune. Après, j'ai Merck, c'est belge, hein, si je peux me permettre. Oui, mais je parlais d'Ocaña, l'espagnol. Ah, Ocaña, l'espagnol. Ah, oui. Non, alors après, il y a eu des parce que grands. Merck a eu très peur devant Ocaña. Contador était très impressionnant. Attends, il y a des champions extraordinaires, étrangers et tout ça. Mais moi, je supporte le petit Français, même quand il perd. Mais Merck, ça restera quand même le plus grand cycliste de tous les temps, c'est ce qu'on dit. Oui. Peut-être, bon. Dans l'histoire en tout cas, peut-être, mais il y en a des nouveaux. Ok, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Nicolas Lormeau d'avoir été notre invité et surtout d'avoir fait ses lectures en direct. C'était top. Plaisir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les forces à la route. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de franceinter.fr pour réécouter l'émission, pour toute information complémentaire à cette émission Affaires Sensibles. À la technique aujourd'hui, il y avait Louis Audibert.